Chapitre 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle s'en alla alors en courant trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon-Pierre arriva après lui et entra dans le tombeau. Il vit les bandes posées à terre et aussi le linge qui avait été sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demanda, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier, de sorte qu'elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui signifie « maître ». Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala s'en alla annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les Juifs. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, « Moi aussi, je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Cependant, l'un des douze disciples, Thomas, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse de douter, et crois. » « Mon Seigneur et mon Dieu, » lui répondit Thomas. Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par cette foi, vous ayez la vie en lui.